سنبدأ. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Alors d'abord, avant de commencer le ders, je dois corriger une erreur qui a eu lieu dans le douloureux précédent, dans les horaires des salawat. J'ai dit une grosse bêtise. Qu'Allah m'en pardonne, et je m'en suis rendu compte. Un frère m'a déjà fait le tambih, mais je m'étais pas concentré sur ce qu'il m'avait dit. Et j'ai écouté un audio de mon frère Ayoub Abu Mu'az Al-Faransi, que j'ai réécouté un ancien audio qu'il a fait, dans lequel il parle sur le hukm de la salat, de faire le jumu'a avant le temps du zohr. Un audio ancien qu'il a fait, mais moufid. J'invite les gens à aller l'écouter. Je vais le remettre, Inch'Allah, sur ma chaîne, pour que les gens en profitent. Et juste à tambi dedans, il cite la mas'ala qu'il a prise d'un livre d'un cheikh qui est à Dimash, qui a dévié depuis, donc Mohamed ibn Hizam. Mais à l'époque, c'était un de nos mashaykhs référence. Depuis, il a dévié. Donc, ce n'est pas à prendre en compte, mais la mas'ala reste telle qu'elle est. Le haq. Et le muhim, c'est en citant la parole, citant cette mas'ala, que selon la vie rajih authentique, c'est qu'on ne fait pas la khutba, on ne fait pas le jumu'ah avant le temps du dhuhr. Il y a un khilaf, mais il montre que le frère démontre avec des preuves que le col authentique, c'est que ça ne se fait pas. Dedans, il a recité le hadith que j'avais dit dans le temps du dhuhr, dans lequel je me suis empêtré et je me suis induit moi-même en erreur et j'ai induit les auditeurs en erreur en expliquant le temps du dhuhr. Donc là, on va rectifier ça, Inch'Allah, et ça sera mis dans... Je vais faire, Inch'Allah, une coupure, un montage pour le remettre dans l'ancien... L'ancien audio, je vais couper l'erreur, et je vais mettre cette correction ici pour pas avoir à tout refaire. Taïeb. Alors dans le hadith, c'était le hadith de Abdullah ibn Amr. Yaqul anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala waqt adh-dhuhr idha zalat ash-shams wa kana dhil ar-rajul katawlihi ma lam yahdur al-asr. Donc on va juste cette partie-là qui nous intéresse. Que le temps du dhuhr, c'est lorsque le soleil commence à pencher. Et là il dit « Wa kana dhil ar-rajul katawlihi » et que l'ombre de l'homme est équivalente à sa hauteur. Tant que le temps du asr n'apparaît pas. Et en fait, j'ai mal traduit et j'ai mal expliqué, car en fait, même l'auteur, il a dit, j'ai même pas fait attention. Dans le charh, il le dit, j'étais mon rafol, pas été mon rafok. Et il dit, kana dhil, ma'na sara dhil. Que ensuite, c'est-à-dire que le temps du dhor commence à partir du moment où le soleil, après qu'il soit au zénith, c'est quand il est au plus haut. Après, il commence à pencher. D'ailleurs, il se décline. Donc le temps du dhor, il commence à ce moment-là. Jusqu'à quel moment ? Juste au moment où l'ombre de la personne devient comme sa hauteur. D'accord ? Et moi j'avais dit quoi ? Qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'ombre de la personne elle commence à hauteur. Et non, c'est complètement faux. À ce moment-là, l'ombre elle est toute petite. Là c'est le début. D'accord ? Et ça termine quand ? À partir du moment où l'ombre de la personne devient comme sa hauteur. Par exemple, tu fais quelqu'un qui fait 1m85. Et bien ton ombre fait 1m85, et bien là tu vas rentrer dans ton du rastre. Vous comprenez? Donc voilà, donc ça c'est un truc à rectifier. Et c'est clair que c'est même scientifiquement parlant, c'est impossible que ton ombre soit de la même taille que toi, alors que le soleil est au-dessus de ta tête presque. Il faut qu'il soit décliné. Donc par rapport à ça, Staffel Tobulé, il se trompait. Donc là on corrige. Et comme je le dis, cette partie-là, je vais la mettre sur un montage sur l'autre audio. Pour pas avoir tout recommencé. Je couperai la partie où il y a l'erreur. Et je mettrai ça là à la place, Inch'Allah Ta'ala. Taï. Donc en espérant que ça soit compris. Index Soel. La différence, on l'avait dit à la fin du Ders la dernière fois, la différence qu'il y a entre Jahil al-Basit ou Jahil al-Murakkab, la différence qui est entre l'ignorant d'une ignorance de base, une ignorance simple, et l'ignorance murakkab, c'est l'ignorance aggravée. C'est quoi la différence entre les deux ? La différence entre les deux, c'est que l'ignorance de base, qu'on peut tout savoir, c'est l'ignorance que dès qu'on lui fait part de son ignorance, il va directement. Il va directement acquiescer. Et l'autre, l'inverse, même si tu montes A plus B, il va dire Z. Clair, il va rester têtu et embêté. Voilà. Et après, voilà, Arsentum. Et ces gens-là sont de différents niveaux. Donc, comme je vous l'expliquais, t'en as parmi eux, ils sont très fatigants, en soi. Je pense que tout le monde a eu affaire à ce genre de spécimen. Surtout, c'est chez les anciens qui ont la tête dure, qui ont appris des choses. Tu vois, on a toujours des membres de la famille, un oncle ou quelqu'un, il ne va pas comprendre, tu lui expliques une chose, c'est pas comme ça. D'accord. Ça concerne ce cas-là. Et t'en as d'autres qui, eux, ont un petit peu trop de fougue du Hamas et qui veulent réfuter. Tu vois, c'est-à-dire, t'en as, ils sont, c'est un débat entre toi et lui, ça s'arrête là. D'accord ? Ça va pas plus loin que ça. Et t'en as d'autres, malheureusement, ils veulent prendre une place dans la darwa qui n'est pas la leur. Ça veut dire que ce sont des gens, une fois de plus, qui sont du niveau tabouret et qui veulent un trône. Et quand tu leur rappelles que ce trône n'est pas leur place, car chaque chose a sa place, d'accord, comme on le disait la dernière fois, il dit tu me rabaisses, tu me méprises. Je dis non, je te mets à ta place. Et si jamais tu te sens rabaissé, parce que toi tu t'es mis trop haut, tu as une surestime de toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu veux prendre une place qui n'est pas la tienne, donc en fait, quand on t'en met à ta place, ça te vexe. Ça te vexe. Donc en fait, à la base, c'est pas toi qui es rabaissé, c'est toi qui te surestimes, en fait. Donc le problème, il vient de toi, il vient pas de la personne qui fait le rappel. Et parmi ces gens-là, t'en as qui s'immiscent dans la darwa, par exemple. T'en as, ils vont faire des douros. T'en as, ils sont sur le réseau, ils parlent. Ainsi de suite. Et t'en as, ils veulent réfuter. Ils se lancent dans la réfutation. Et en fait, ils sont comme pris d'une certaine, un esprit de mégalomanie. On parle principalement de ceux parmi eux qui sont insignifiants, en fait. T'en as, ils ont une certaine célébrité, qui n'est pas forcément légitime. T'en as d'autres, ils sont insignifiants, ils sont personne. Mais ils veulent être quelqu'un. Tu vois, ils veulent être, comme je t'ai dit, le tabouret, il veut plus, il veut un trône. Ils veulent être quelqu'un, alors qu'à la base, non. Tu vois, t'as pas fait les causes, t'as pas fait les efforts, voilà, c'est quand dans la machafarelle, c'est pas de ta faute. Mais ne force pas. Et en forçant, c'est là que toi-même, tu vas t'exposer aux gens, et les gens vont voir que tu es une personne, en fait, un muta'alim, c'est quelqu'un qui veut se passer pour quelqu'un qui a du ilm, alors qu'il n'en a pas. Ou quelqu'un qui veut se mettre en avant, il veut une place, il veut de la reconnaissance. Alors, reconnaissance de quoi ? On ne sait pas. Donc ils sont pris d'une espèce d'esprit de mégalomanie, ça veut dire qu'ils pensent être intéressants alors qu'ils sont inintéressants. Tu vois, ils pensent que les gens font attention à eux, écoutent ce qu'ils disent ou quoi, alors qu'ils sont insignifiants. À la rigueur, ils sont distrayants, certaines personnes, t'en as, ils voient comme ils sont suivis sur des réseaux où certains leurs vidéos sont regardées, où ils voient qu'ils ont plein de commentaires certaines personnes, ou autres, ils croient qu'ils ont quelque chose. On dit non, en fait, tu t'es pas rendu compte, tu es une attraction pour les gens, en fait. Les gens ne viennent pas forcément pour apprendre, ils veulent voir quelle folie tu vas sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire comme truc nouveau ? En fait, t'es comme l'esprit de la télé-réalité, tu vois. T'es juste, tu distrais les gens. Des gens qui n'ont rien à faire, ils veulent te regarder, ils veulent t'écouter, ils vont te lire, tu vois. Et ces gens-là, en fait, ils sont pris d'une mégalomanie parce qu'ils croient qu'ils sont vraiment intéressants, dans le sens où ce qu'ils disent, ça profite aux gens. Les gens ne viennent pas pour apprendre, les gens viennent te voir pour se distraire. Ils viennent te lire pour voir qu'est-ce que tu vas dire. C'est quoi le cancan du jour ? C'est quoi le buzz du jour ? C'est quoi l'actu du jour, tu vois. Et surtout quand ces gens-là réfutent, alors qu'est-ce que tu vas dire comme réfutation sur telle et telle personne, tu vois ? Qu'est-ce que tu vas porter comme nouveau dossier ? Tu vas porter quoi, tu vois ? Donc ils sont atteints d'une mégalomanie, et des fois t'en as pas mieux qui veulent réfuter des gens qui ont plus de ilm que eux, tu vois ? Ils veulent se faire remarquer, en fait. Je me rappelle, Shaykh Yahya al-Hadjouri donnait un exemple de ce genre de personnes. Il disait, en parlant. Ces gens-là, en français, on appelle ça un mégalomane, tu vois. C'est quelqu'un qui croit, il se voit lui-même, en fait. Il se voit trop. Et il a donné un exemple, c'est quelqu'un, comme si tu avais une maison, un château avec un grand portail pour entrer. Très grand, très haut, il fait au moins 3, 4 mètres, 5 mètres de haut. C'est une grande entrée. Et lui, c'est un petit bonhomme. Tu vois, c'est un petit bonhomme et tout. Et quand il passe le portail, il baisse la tête. Tu vois, il en dit, pourquoi tu baisses la tête? Ouais, j'ai pas envie de me cogner la tête sur le truc. Tu vois, ça veut dire, le portail, il fait 5 mètres de haut. Toi, tu fais 1m45, t'as peur de te cogner. C'est-à-dire, tu t'es vu... Tu vois, ça veut dire, donc... N'oublie pas qui tu es. Et pareil, Cheikh Rabi' al-Matrali, rahimahullah ta'ala, il avait un exemple un peu similaire. Il disait, c'est l'exemple, quand les gens, ces gens-là, qui sont ignorants, insignifiants, qui veulent répondre à des gens qui ont plus de poids, plus de rythme qu'eux, les allusions, voilà, tu vois, de façon générale, mais c'est valable pour des personnes de, même de moindre rang, par rapport à quelqu'un qui a vraiment encore moins de science que lui. Il disait, c'est à l'exemple d'un moustique qui est sur un arbre, sur un tronc d'arbre, tu vois. Il dit à l'arbre, accroche-toi, je vais décoller. Tu vois, je vais décoller, donc accroche-toi, sois pas surpris par mon décollage. Et l'arbre dit, je sais même pas que tu t'es posé sur moi. En fait, t'es un moustique. Ça, c'est un tronc d'arbre. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Et t'as des gens, ils veulent entrer en ce blabla de réfutation, dans un niveau qui n'est pas le leur, ils se croient intéressants, ils se croient forts. Et ça, c'est cette mégalomane. Et ces gens, ces genres de mégalomanes, ce sont des gens, justement, qui sont atteints de ce djal murakkab. Parce qu'après, ils vont sortir des fois une parole d'un savant par-ci, une faouide par-là, un tout de sa tête par-là, et en fait, ça n'a rien à voir. C'est complètement hors sujet, tu vois. Et donc, ces gens-là, malheureusement, bah, ils sont plus de mal eux-même qu'autre chose. Parce qu'ils deviennent un peu de la risée. Toute personne qui a peu de rythme, de convenance, il le lit, il dit, mais c'est qui celui-là? C'est qui cet individu? Tu vois. Et comme je dis, comme les gens, c'est un peu, on va dire, une forme d'attraction, bah t'as des gens, ils sont curieux, ils vont aller regarder qu'est-ce qu'il va dire. Ils vont suivre, qu'est-ce qu'il va dire? Ils vont suivre, s'abonner à sa chaîne, s'abonner à sa page, s'abonner à son compte. Et comme l'autre, il voit des abonnés, bah il dit, ah, machallah, je suis intéressant. Tu vois. C'est un intérêt, oui, mais c'est un intérêt qui est vain. Tu es une attraction. D'accord? Tu es une attraction. Une distraction. Tu n'es pas une instruction. On n'est pas pour s'instruire, on vient pour se distraire quand on vient te regarder. Voir qu'est-ce que tu as à dire comme ça de nouveau. Et malheureusement, ces gens-là pullulent sur les réseaux. Tu vois. Ben amoustaksir ou moustaqil. T'en as, voilà quoi. Donc attention à ces djuhul murakkab et ces mégalomanes. D'accord? Qui pensent qu'ils sont quelque chose alors qu'ils ne sont rien du tout. Mais à savoir, comme on dit, quoi qu'ils écrivent, quoi qu'ils disent, ils sont du mal qu'eux-mêmes. En réalité, il ne faut même pas les calculer. Voilà, c'est des gens, il ne faut même pas leur donner d'importance. Juste laisser on va dire, distraire les foudouliens. Foudoul, c'est les curieux comme les commères, les, tu vois. Allez, va occuper ces gens-là. Ah, mais les gens qui ont des choses plus importantes à faire, même pas être... T'es insignifiant pour eux, tu vois. Et c'est triste, tu vois, de croire quelque chose alors que tu n'es rien. Quand on dit tu n'es rien, le croyant, il est toujours quelque chose, quoi, dans la Zawajel. Mais tu n'es pas qui tu crois. Et tu n'as pas cette valeur que tu penses que tu as, en fait. Tu prends une place qui n'est pas... Tu veux prendre une place qui n'est pas... En fait, t'es frustré. Tu voudrais être, mais tu n'es pas. Donc tu fais passer pour. Comme on dit, c'est comme l'exemple qui est donné de l'infirmier qui met une blouse de docteur pour dire je suis médecin. On dit t'es même pas brancardier. À la rigueur, tu premier secours comme ça, un pansement tu arrives à mettre, tu arrives à faire une prise de sang et tout, mais hé, t'es pas médecin. Tu vois, voilà, cadre. Donc attention au djel murakkab. Comme je vous dis, c'est très fréquent chez les gens qui ont appris de loin. Et disait Cheikh Othaymine, un aman kana shaykhuhu kutubu kana akhta'u aksar min sawabi. Il a dit celui dont son shaykh c'est son livre, c'est-à-dire c'est les gens qui apprennent tout seul dans leur coin, ou par des livres tout seul, par des audios tout seul, il a dit ce genre-là, il fera plus d'erreurs qu'il fera de bien. C'est extrapolé. Et pour dire, il va faire beaucoup d'erreurs, même pas le faire en compte. Et c'est le djel murakkab, tu vas le trouver principalement chez ces gens-là. Qui n'ont pas appris auprès de l'ulama, qui n'ont pas appris auprès de machir, ils n'ont pas été éduqués en fait. Donc ils croient savoir, alors qu'ils ne savent pas. Pareil. Donc maintenant, on va prendre un hadith. On va poursuivre dans. Le maqsoud du kitab. Donc la dernière fois, on avait pris quoi? On avait parlé de quoi la dernière fois? On a retourné le même de le soin qu'apporte l'islam pour la préservation du musulman. Préserver dans sa personne, son physique, son intégralité. On n'avait pas le quoi comme hadith. On a pris deux hadiths. Une arme. De ne pas diriger une arme vers un musulman. Toute forme d'arme. Et dans une autre version, hadida, une chose en métal. D'accord ? La diriger contre ton frère. Même pour jouer. Ou autre. Attends. Et deuxième hadith, c'était quoi ? C'est dans la même lignée. Ah, faire peur. Hein ? Ouais. Non. Ça rentre dedans, mais c'était pas le hadith en lui-même. On a cité la mas'ala, tarawih al-muslim, mais c'était pas ça que... Répète. On a cité la mas'ala, mais c'est pas ça la mas'ala. T'es pas loin, mais c'est pas ça la mas'ala qu'on a pris, le hadith. Je vais vous donner un indice, ça concerne une flèche. C'est une chose. Non. Ah non. Non, c'était encore plus large. Garder la flèche dans sa manche. Et celui qui se rend dans un masjid ou dans un souk au lieu de commerce et qu'il a une flèche, d'accord, qu'il la mette dans son carquois ou qu'il tienne le bout pointu dans sa main. En fait, ça veut dire protéger. Éviter les blessures, éviter les bavures, ce qui s'ensuit. Pas mal ? Pareil. Et on a, entre autres, on avait parlé du Eid, justement, dans le Eid, où on disait que le jour du Eid, il n'est pas permis de porter des armes. Et là, on parle des lieux où porter une arme est une chose qui est permise par le pays. Un pays où c'est interdit, Eid ou pas Eid, là, ça ne te porte pas d'armes. Tu vois. T'as des pays où ils l'autorisent. Car à la base, en islam, voilà. À l'époque des Sahaba, c'était une chose qui était pas, parce que c'était des gens qui étaient éduqués, qui étaient sages, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, on est une période de folie, une période d'ignorance, une période de... voilà. Donc comme je dis, ce que les gouvernements ont mis comme loi d'interdire les armes civiles, c'est une très bonne loi. Ne pas mettre ce genre de choses dans les mains de n'importe qui. Taïe. Là, on va prendre al-hadith al-Sa'alis min had al-Bab, troisième hadith du chapitre, et qui est le 63e hadith du kitab. Al-Nahi an al-Khazf. L'interdiction du jet. À la base, c'est du jet de pierre. D'accord ? De jeter des pierres. Après le khazf, c'est plus général. C'est le jet de projectiles. On va dire comme ça. Yaqul an Abdullah ibn Mughaffal radiallahu anhu. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكئ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه. Donc c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Mughaffal رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit le jet, là c'était le jet de pierre en particulier. Il a dit car ça ne tue pas le gibier, d'accord ? Ça n'abat pas l'ennemi. Par contre, ça te casse des dents et ça te crève un œil. Le hadith, il est mutafakun alayh. L'histoire de ce hadith, c'est qu'Abdullah ibn Mughaffal voyait un homme, un ami à lui, qui faisait du khazf, qui jetait des pierres. Et il lui a dit, ce hadith-là, ne jette pas de pierres. Parce que le prophète l'a interdit. Et c'était après le cité. Parce que le jet de pierre ne tue pas le gibier. Tu ne pourras pas chasser avec des pierres. Ça ne repousse pas l'ennemi. Ça n'abat pas l'ennemi. Et il y a des dégâts collatéraux. D'accord ? Ça va vite. Toi, tu ne vises pas, mais quelqu'un passe par là, la pierre arrive dans la tête, dans son œil, dans sa bouche, n'importe quoi. N'importe où dans son corps. Donc tu le blesses. Et ensuite, le lendemain, plus tard après, il a revu cette personne-là encore en train de jeter des pierres. Il lui a dit, je t'ai dit le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai dit c'est quoi les conséquences, et tu continues, je ne te parlerai plus. Il a fait le hajj. Vous imaginez à leur époque comment c'était tellement appliqué et strict qu'il a fait le hajr hein, à cet homme-là pour un hadith qu'il a transgressé. Si on faisait ça aujourd'hui, on ne se parle plus. On est à une époque, on ne peut pas appliquer ça maintenant. Il y a trop d'ignorance, tu vois. Mais à leur époque, ça, là-dessus, c'était vraiment... Voilà. C'est-à-dire là, c'est un sahabi qui a parlé. C'est-à-dire que ce que je te dis là, comme parole, j'ai entendu du prophète. C'est pas dans un kitab où on m'a dit. C'est un hadith que j'ai entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on t'explique la cause. Moi, je te le dis. Et je te dis que je l'ai entendu du Nabi sallam, et malgré cela, tu... Libérément, tu transgresses encore à nouveau. Il a dit, je te parle plus. Là, c'est un hajr de quoi ? De ta'dib. C'est un hajr, un boycott, pour t'éduquer. Pour t'apprendre à prendre en considération les paroles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve que tu peux faire le hajr même à une personne qui de base n'est pas un innovateur. D'ailleurs, le hajj qui a été fait en premier dans l'histoire de la sunna, c'est le hajj qui a été fait à Ka'b ibn Malik, à radiallahu anhu, lorsqu'il n'a pas participé à la bataille de Tabouk. D'accord ? Il y a une bataille de Tabouk, Ka'b ibn Malik n'y a pas été. Il voulait y aller, il a tardé jusqu'au moment où c'est trop tard, il n'a pas été. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu, c'est ça sur la Tauba, ça part de cette histoire-là. Et plein de gens avaient également fui ce combat-là, à Tabouk. C'était des mounafiqou, des gens qui avaient peur, tout ça. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu, ils sont tous venus le voir, ils ont commencé à jurer en donnant leurs excuses. Moi, il m'est arrivé ci, moi, il m'est arrivé ça, ainsi de suite. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté d'eux, et ce qu'il renfermait en eux, il a dit, c'est Allah qui sait mieux ce que vous dites. Et Ka'b ibn Malik, il est venu. Et il se disait, ça me sert à quoi de mentir? Si je mens, le Nabi va accepter de moi, Allah il va me dévoiler. Et si j'ai la vérité, le Nabi va être en colère. Mais au moins, voilà, c'est-à-dire l'erreur, je l'ai faite. J'ai pas été à la bataille de Tabouk et j'ai pas d'excuse. C'était quoi son excuse? En fait, il voulait y aller, il avait tout, il explique, j'avais tout pour y aller. Mais tellement il a repoussé, j'irai après, qu'après ils sont partis les gens. Il n'avait plus la force de partir. Mais il voulait y aller pour de vrai. Mais c'est ça le problème, toujours repousser, jusqu'au jour où, ça y est, c'est fini le temps. Il fallait partir avant. Là, tu ne pourras plus rattraper les troupes. Donc il est arrivé devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a juré par Allah, je n'avais aucune excuse, prophète. J'ai jamais été aussi riche que je n'ai, c'est-à-dire j'avais deux chevaux, j'avais deux montures, j'avais tout pour venir. Mais je ne suis pas venu. Tu vois, il a dit, moi je te dis la vérité. Et là, le Nabi Sassam, il a dit, Amma hada faqal sadaq. Il a dit lui, il a dit la vérité. Il a dit, reste à ce qu'Allah Azzawajal dise comment agir avec toi. Et il y avait deux autres sahabis qui avaient fait pareil que lui, qui avaient dit la vérité également. C'était trois en tout. Comme encore la Ta'ala, wa ala salasati ladina khalifu hatta yasdaqat alayhim al-ard bima rahubat. Dans Surah Tawba, Allah Azzawajal parle d'eux. Et ensuite, le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a envoyé. Ah oui, et à ce moment-là, le Nabi Sallam a interdit à quiconque de leur parler. Il y avait Ka'b, il y avait Hillel, et il y avait Ka'b, Hillel, Mirar, je crois que c'est Mirar le troisième. Taïeb. Donc plus personne ne leur parlait. D'ailleurs, dans toute la Médina, personne ne leur parlait. Et Ka'b, qui était plus jeune, lui, malgré tout, il sortait de chez lui, il est dans le souk, il allait faire salat avec le jama'a, il essaie de voir si le Nabi sallam le regardait, passer le salam, personne ne lui parlait. Il a même dit à un moment, il a sauté un mur pour aller chez son cousin, qui était l'homme qu'il préférait, et il lui a dit, « Anchalikallah, el ta'alimuni uhibullah wa rasoola. » Je te dis, je te supplie devant Allah, est-ce que tu sais que j'aime Allah et son messager ? Il ne lui a pas répondu. Il lui a dit une deuxième fois, il ne lui a pas répondu. Il lui a dit une troisième fois, il lui a dit Allah a'alam. Et là, Ka'b, il a pleuré. Il a dit, même mon cousin qui même que me connaît ne va pas me parler. Il est reparti. Et en repartant, il reçoit un message qui venait d'un roi, Malik Hassan, c'est un ennemi des muslimines. Et quand il a su ce qui arrivait à Ka'b, il a envoyé une lettre à Ka'b pour dire, hey, on sait que tu as été boycotté, mis de côté, et que personne ne te comprend. Rejoins-nous, nous, on va te consoler. Tu vois. Là, t'as vu, les ennemis, ils profitent de ça. Quand le musulman est mis de côté pour une erreur qu'il a faite, il vient, viens avec nous. Nous, on est là, on va t'accueillir. Malgré cela, Ka'b, mashallah, sahabi, il a brûlé la lettre. Ensuite, on lui a dit, un autre messager est venu pour lui dire, hey, tu n'approches plus ta femme. Il y avait que sa femme qui était avec lui. Tu n'approches plus ta femme. Il a dit, je la divorce. Quoi fait, non, tu la divorces pas, mais tu ne l'approches plus. Là, c'était pendant 40 jours, ça, avant sa femme. Après le 40e jour, on lui a dit, même ta femme, tu ne l'approches plus. Sa femme est repartie chez sa famille. Et elle a dit, là, il restait 10 jours, ça a duré 50 jours, en fait. Jusqu'au jour où Allah Azzawajal a fait descendre la Tauba sur Kabl Malik. À tel point que les gens sont venus, ils étaient heureux de lui faire passer salam. En fait, les gens lui ont fait le hajj. Pourquoi? Pour montrer sa sincérité. Et montrer qu'il n'était pas munafiq. Parce que les gens qui n'étaient pas venus à Tabouk, c'était des munafiqoun, pour la plupart d'entre eux. Et là, ce boycott, d'accord, c'était pour purifier de son erreur et montrer qu'il était sincère dans sa tauba. Parce qu'il a supporté la chose. Ça a été dur, mais il a supporté la chose. Et quand et les sahabas aimaient Karm, ça leur faisait mal de ne pas lui parler. Le prophète, il a dit, il a donné un autre, vous ne parlez plus. Et ils ont venu lui parler, mais il dit non, le prophète, on ne parle pas, on ne parle pas. Mais les gens l'aimaient, de base. Tu vois, c'est pas une personne qui était boycottée parce qu'il était mauvais. Parce qu'il a fait une erreur, et cette erreur impliquait chez d'autres personnes une accusation de nifaq. Donc en réalité, ce boycott, c'était une forme de protection pour lui, pour dire, toi, on ne s'était pas mal. C'était à son avantage, en réalité. Et après, quand la révélation est venue, Allah Azzawajal a accepté le tauba de Kaab, et bien là, tout le monde est venu vers lui pour le féliciter. C'est pour dire qu'en fait, une personne, quand tu as fait une erreur qui est gravissime, il faut laisser un temps de test, en fait. Ne précipite pas tout de suite à lui donner ce qu'il avait auparavant. Il faut tester si dans sa tauba, il est sincère. Principalement dans la da'wah. Quand les gens ont fait une da'wah, par exemple, ils étaient sur la sunna, ils ont dévié, ils ont fait des erreurs graves. Après, dis, je fais tauba. Fais d'accord, fais tauba. Malgré tout, pendant un temps, on te met de côté. Pour être sûr que tu es sincère. Parce que t'en as dit, fais tauba juste pour revenir, pour s'accepter. Tu vois. Et là, tu vois celui qui est sincère. Celui qui est sincère, tu vas le voir, il va patienter. Et celui qui est dans le cœur, il va dire, pourquoi j'ai fait ça et j'ai fait tauba, pourquoi m'acceptez pas, c'est quoi ça, tu vois, dis-toi. Fille cachée. Toi, t'es douteux, toi. Mais celui qui fait tauba, c'est comme demain quelqu'un, un exemple, hein, je te donne un exemple, à l'échelle humaine, t'as un commerce, t'emploies quelqu'un qui travaille pour toi et qui gère ton argent, et tu vois qu'il vole l'argent. Un jour, tu le découvres. D'accord? Il vient de voir, il dit, je fais tauba. Tu le remets à la caisse, direct? Ah ben non. Hein? Pourquoi? Tu dis tauba, d'accord, mais hé. Qui me dit que tu vas pas recommencer? Donc, toi, je te mets ailleurs. Quand tu vas aller en cuisine, je te garde. Mais ou alors, pendant un moment, vas-y, tu ne travailles plus pour moi, on verra plus tard. Ou alors, je te mets en cuisine. C'est normal. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc, la personne qui a fait tauba réellement, elle ne doit pas s'énerver ou être vexée ou quoi. Dire, c'est normal. Tu as fait une chose gravissime, tu reviens, on va te mettre au même poste. Je suis un imbécile. Et pourtant, tu as des gens, malgré cela, ils se comportent comme des imbéciles pour de vrai. T'as des gens, ils ont fait des erreurs gravissimes. J'entends des histoires de certaines personnes qui faisaient des cagnottes auparavant et qui ont ramassé beaucoup d'argent. Pour escroquer de l'argent, pour escroquer des gens. Tu vois. Au nom de la da'wah. Des grosses sommes. Tu vois. Après, ils se sont fait attraper. Alors qu'ils démentaient au début. Hein. Ils se sont fait attraper. T'es coincé maintenant, ça y est, t'es grillé. Ah, je fais tauba, je recommence plus, c'est vrai. Starfield, tout brûlé, kaza, kaza, kaza. Attends, ces personnes-là, elles reviennent. Et elle refait des cagnottes à nouveau. Et les gens leur donnent de l'argent. Je dis, vous n'avez pas compris les gens ou quoi? Vous n'avez pas compris, là, vous n'avez pas pris une leçon. Cet homme-là, c'est pas une personne à qui on donne de l'argent. Et quand même on donne de l'argent, ça veut dire dans des choses qui seraient prouvées qu'il est. Là, c'est pareil, le système de cagnottes qui revient, il parle, il fait le beau parleur, projet, ainsi de suite, cagnotte pour aider je ne sais quoi, faire je ne sais quel projet, mais à la base, c'était un escroc, toi. Quel argent va te donner à nouveau? Eh bien, les gens, ils ne prennent pas le son. Et il a bien dit, Nabi sallam, la yurdor al-muslim min johri wahidin marratayn. Que le musulman ne se fait pas piquer deux fois dans le même terrier. C'est-à-dire, demain, il y a un trou, tu mets ta main dedans, hop, tu te fais piquer par une bête, un scorpion, un serpent. Le lendemain, tu reviens, tu vas mettre ta main là-dedans, eh ben, les gens, ils mettent le pied, ils mettent la tête, ils mettent le coude, ils rentrent dans le terrier. Bon, allez, confirme. Tu vois? C'est même plus mettre la main s'il rentre entièrement dans le terrier à nouveau. Vous n'avez pas compris. Et quand les gens, tu leur expliques, Non, mais il trouve des excuses à la personne. Il a fait Toba, Tayeb. Malgré tout, ça se trouve, il a vraiment fait Toba, et vous êtes une porte de fitna pour lui à lui redonner de l'argent. Le fait que l'argent revienne, ça se trouve, il va se rappeler, ça va revenir, il va redéraper à nouveau. Donc vous-même, soyez intelligent, vous voulez vraiment vous l'aider, ne lui donnez pas de l'argent. C'est un petit fitna pour lui. Comme l'exemple, je l'ai dit tout à l'heure, tu as un commerce, l'autre il fait Toba, il a volé de l'argent dans ta caisse, tu l'as attrapé. Je fais Toba, il pleure et tout. D'accord. Toi, tu le remets à la caisse. Après, il ne veut plus voler, mais il va revoir l'argent. Il a fait une Toba sincère, mais il revoit l'argent. La fitna fait quoi? Elle recommence. T'en as parlé sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient sur les réseaux, ils faisaient n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils ont des comptes, des streamers, ils parlent de sujets, ils sont vulgaires, des trucs qui n'ont rien à voir. Ils égarent les gens, ils font n'importe quoi sur les réseaux. Et un jour, je fais Toba, tout ça. Tout ce que j'ai fait, je fais Toba, maintenant je mets Moustakim, Kaza, Kaza, Tayeb. Qu'est-ce que ça implique? Il dit non, mais maintenant comme j'ai beaucoup de suiveurs, mon compte, au lieu de faire du mal, je vais faire du bien avec. Je fais non, coupe ton compte. Car ton problème, ça a été les réseaux, justement. Donc si tu gardes tes réseaux, tu vas retourner en arrière. Si vraiment tu fais une vraie Toba, coupe les causes qui t'ont amené à faire des erreurs que tu avais auparavant. Coupe tes réseaux, mon frère, c'est pas pour toi. Et ben il va dire non, je garde mon compte, mais le mal que je faisais, je le transformais en bien. Je te donne pas quelques mois avant que tu redérapes. Et je suis large quand je donne quelques mois. Parce que la cause de ta première erreur, c'était les réseaux. Tu restes encore sur les réseaux? Tu feras peut-être pas les mêmes erreurs, mais tu vas faire des nouvelles. Vraiment, tu veux te mettre droit dans la religion, entre moi, coupe tes réseaux, parce qu'en réalité, t'es quelqu'un, tu sers à rien. Chalarin, tu sers à rien. T'es pas un talib, t'es pas un da'i, tu sers à rien. Coupe tes réseaux, mon frère, va apprendre. Et quand tu auras appris, tu veux revenir, reviens. Mais là, il passe de fa'asik, après directement à da'i l'Allah Azzawajal. Je suis non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu passes du fisc que tu faisais auparavant, et le lendemain, ça y est, t'as ta barbe, t'as fait de la omra, ça y est, t'es devenu moustakim comme ça. Et les gens, ils acceptent du premier coup, du jour au lendemain. On est content, t'as fait Toba. Mais fais-toi petit, disparaît un temps. Fais-toi oublier. Et va apprendre. D'accord? Tu passes à des gros mots il y a un mois, machallah, deux mois après. Sur le même support. On dit non, ça marche pas comme ça. Le ta'ib, il a toujours un temps. Ka'b ibn Malik, qui est un sahabi, a été mis à l'épreuve pendant 50 jours. Que dire de nous aujourd'hui? Demain, tu as un homme pareil, tu le mets au milieu de pour des raisons quelconques, au milieu de femmes. C'est arrivé dans l'histoire qui sont arrivées sur des Omra. D'accord? Guide de Omra. On dérapait avec des femmes. Tu vois, la Hadim. Et Hadihinta Kazalik, c'est aussi les femmes, parce que les agences, ils ont beau faire les beaux parleurs, vous avez laissé des femmes venir seules. Vous êtes responsables, vous aussi. C'est pas la peine de mettre l'erreur sur la faute du guide ou de la sœur. Vous êtes les premiers responsables à avoir accepté ce que des femmes viennent sans mahram. Donc croyez pas que le Mlaqiyama, vous n'aurez pas de charge. Vous avez ouvert la porte. À la base, vous aurez dit non, pas de femmes sans mahram. Au moins, vous ne serez pas responsable. Si elles viennent malgré tout, t'es pas responsable. Là, vous leur avez ouvert la porte. Donc vous avez votre part. C'est pas la peine de se dédonner, ouais, c'est lui, c'est lui. C'est vous aussi également. Et malgré ce dérapage de ce guide, t'entends qu'ils le remettent guide, quelques temps après. Tu dis, vous n'avez pas compris, vous. Et on dit, Tayeb, il a fait Toba. Vous avez compris la leçon? Vous continuez à laisser des femmes venir seules encore? Vous n'avez pas compris, vous aussi, alors, ça veut dire. Scandale, le guide, les guides et l'agence. L'agence qui permet à ce que des femmes viennent, ils prennent leur argent pour leur faire des omras. Et malgré les erreurs qu'il y a eu, ils continuent. Il me semble, hein, après j'ai pas vérifié, mais j'ai pas vu de communiqué qui disent qu'ils prennent plus de femmes sans mahram. Sous prétexte de quoi qu'il y a un rilef entre les ulama. Ce qui t'est arrivé là, c'est une preuve que le rilef, tu vois c'est quoi la vie qui est correcte maintenant. Normalement, ça aurait été une leçon pour toi, pour dire ah ben maintenant je vois c'est quoi la vie qui est correcte, c'est vrai, une femme sans mahram, on oublie. Et quand même ce serait halal, on évite. Non. Pourquoi? La pâte du gain, ça rapporte d'avoir des pèlerins. Tu vois? Donc alors la base. Pour revenir au shahid, c'est que le ta'ib, dans les choses qui touchent à certains domaines, il faut le mettre à l'écart. Il faut le mettre à l'écart. Et les gens, pareil, qui ont fait des erreurs, qui font ta'oba, dans leur ta'oba, ils doivent couper court aux choses qu'ils ont amenées à tomber là-dedans. Tu sais les réseaux? Arrête les réseaux. Si c'est tel endroit, il se passe telle chose, ne va plus être à l'endroit. Si c'est telle fréquentation, ne fréquente plus ces gens-là. trouve la cause et coupe-la à la racine. Amma, tu dis je fais Toba et tu retombes les pieds joints dans le même environnement. Et on a pour preuve, c'est quoi? Le hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. Il le dit quoi, ce Alim? Quand il lui a dit j'ai tué 100 personnes, est-ce que tu peux faire Toba? Il dit oui, je peux faire Toba, mais quelles conditions? De changer d'endroit et de fréquenter des... Exactement, change de lieu où tu es. Change de lieu. Taïeb. Khruj min hadhihi al-ard wa dhhab al-ard fulana fa inna biha unasan ya'budu Allah fa abudu Allah ma'ahum. Quitte cette terre, car cette terre elle est mauvaise. Tu vas recommencer. Et dirige-toi vers telle terre là où se trouvent des gens qui adorent Allah et adorent Allah avec eux. Ça veut dire tu lâches le mal, tu vas vers le bien. C'est pas juste, tu arrêtes le mal, tu restes dans le mal. Tu vas retomber dans le mal. C'est humain. C'est humain. C'est comme demain quelqu'un qui est musulman, il rentre en islam, il fait les shahada et il retourne dans ce qu'il faisait avant l'islam. On dit je te donne peu de temps avant qu'il t'arrive quelque chose d'anormal. Quand tu rentres en islam, tu changes, ta vie elle change, tes fréquentations elles changent, tes centres d'intérêt elles changent, tout change. Tes anciens amis, s'ils ne suivent pas, laisse-les. Reste pas avec eux. Et dans la place, ils n'ont pas fait le pas. Ils ont fait quelques pas en avant, ils en ont fait 20 en arrière par la suite. Pourquoi? Ils n'ont pas coupé le cordon ombilical avec le mal. Voilà. Donc le taïb, c'est pareil. Quand il fait Toba d'une chose qui l'a vraiment nuit, il coupe, il fait la Toba sincère, et il coupe le moyen qu'il a fait tomber dans le mal qui lui a causé préjudice. Taïb. Bon, on s'est écarté du hadith, on y revient. De toute façon, il est court, il est simple. Taïb. Donc maintenant, on revient au hadith. Que cet homme, Abdullah ibn Raffal, a dit à cet homme qu'il ne parlerait plus à cause de cette interdiction qu'il a enfreinte, qui est que jeter des pierres, c'est une chose qui est interdite en islam. La raison, il y a des dégâts collatéraux et ça ne sert à rien. Jeter une pierre ne sert à rien, de base. يقول في شرح الحديث يخبر عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رمي الحصى بطريقة الخذف لما فيها من الضرار فهي في الغالب تصيب العين وتقلعها وتكسر السن ولا تحقق بها مصلحة نكاية العدو ولا إضرار به وليست من المهجزات التي تقتل السيد ولا تحصل بها زكاته لضعفها عن احتراقه ويلحق به كل ما فيه مفسدة كالمسدسات الأطفال ذات الخلز. Donc là, Abdullah ibn Mughaffal, au plus tard dans son hadith, il affirme que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeter des pierres dans la manière du khazf, parce que cela comporte comme préjudice et qui, en général, finissent dans les yeux des gens, finissent par crever l'œil ou l'abîmer ou alors casser les dents. Et que par ce jet de pierre, tu ne pourras pas, masalan, tuer de gibier ou repousser un ennemi ou lui porter préjudice également. Et il a dit, rejoint le jugement du Hazv, les jouets à G. Par exemple, les pistolets des enfants à plomb, tout ça, là, ça rentre dedans. D'accord? Lance-pierre. Déjà, comment on appelle un lance-pierre en arabe? Khazaf. Qui vient de Hazv. Khazaf, c'est le jet de pierre. Khazaf, c'est vraiment le lanceur de pierre. Khazaf, c'est un lance-pierre. Une fronde. Ce genre de choses. Et ne pas aller non plus dans les Adillah, l'histoire de Daoud, Mahajalout, qu'il l'a tué avec une pierre, et dans le Tassir, c'est comme dans l'histoire de David et Goliath. Ça se relève du miracle. Et en plus, c'est pas notre législation à nous. Donc c'est pas la peine d'aller prendre ça pour dire, ouais, mais regardez, Daoud, il a tué Jalout avec une pierre. Oui, mais c'est Allah qui a fait jeter la pierre. Le Nabi Salam, il a jeté du sable, il a poussé l'ennemi. Ça, c'était propre au Nabi Salam. Tu vois. On prend pas les miracles comme qiyas pour faire un hukm shar'i. Non. Tu prends pas un miracle pour prendre un jument et faire une analogie. Ça rentre pas dedans. Donc même les jouets d'enfants qui jettent des projectiles, ça rentre dedans. Entre autres, les petits pistolets à plomb, tout ça. Là, je sais pas si c'est encore ça pour les enfants. Ouais, si, moi, je suis à mon époque, j'étais encore au collège, j'avais des pistolets qui ressemblaient à des vrais, comme des répliques, qui lançaient des billes. Ouais, si, c'est encore ça? Je pense, forcément, je Ah, moi, c'était grave là. Moi, j'étais au collège et c'est quand même vrai. Tu vois le pistolet, c'est quand même vrai. Tu mets des billes blanches ou bleues dedans et ça faisait mal. Ça faisait très très mal, je me rappelle. Ou t'avais le pistolet avec une pompe là, t'appuyais comme ça là et maintenant c'est des tout petits plombs. Elle mouille, ces choses là, ce genre de jouets. Les jouets avec des qui jettent des choses un peu douloureuses. Hein? C'est comme l'airsoft. Je connais pas l'airsoft. Bon, c'est un peu la même chose. Ah, possible alors. Je me demande si le paintball ça rentre pas dedans. Bah, c'est à peu près ça quoi. Tu vois? Je me demande si le paintball ça rentre pas dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au paintball, des frères qui jouent au paintball. Faudrait demander à un Alim si le paintball ne rentre pas dans ce jugement-là. Donc, on a compris, c'est que ce genre de choses n'apporte aucun bien et au contraire, cause des dégâts. Fawaid al-Hadith, tahrim al-hazf, lianou la maslahata fihi, bel yukhaf mafsalatu. Donc l'interdiction du khazv, le khazv c'est le fait de jeter des, à la base de jeter des pierres, mais ça en donnant tout ce qui est jet de projectiles. Car cela n'apporte aucun intérêt et dont on craint les nuisances. Thaniyan, yaltahak bihi kullama yusharikuhu fi hadhak al'ab an-nariya al-musaddasat al-atfal zawat al-kharazat wa nahwiha. Et il dit ça rejoint tout cela, les jeux d'enfants comme les pistolets. Là, il parle, je crois, des. L'arbre Naria, c'est tout ce qui est. Je pense c'est les mortiers. C'est tout ce qui fait de l'artifice. Et je pense que c'est en dedans les mortiers qu'ils ont, les jeunes, là, maintenant, là. Tu vois les mortiers qu'ils ont, là, ils se tirent dessus avec, ils tirent sur la police. Ça rentre dedans. Donc, je pense que paintball. Voilà, quoi. Ça rentre dedans. Falifan annama kana fihi maslaha. Quand les choses qui apportent un intérêt concret, comme le fait de tuer le gibier ou de repousser l'ennemi, si vraiment c'est réalisé, ça peut être permis, mais dans la situation seulement, pas en dehors. En même temps, des gens ils peuvent dire, moi, avec mon lance-pierre, je peux tuer un pigeon. Je peux tuer un oiseau. C'est vrai. Avec un lance-pierre, tu as un bon viseur. D'accord. C'est pour le manger, bien sûr, pour le tuer comme ça. Ou à part s'il y a des corbeaux, par exemple. Parce que le corbeau, tu peux le tuer. T'as un champ, t'as des animaux par exemple, des oiseaux qui viennent. D'accord ? À ce moment-là, tu pourrais. Il y a un besoin. Mais sinon, en dehors de cela, non. Mais c'est vrai qu'une pierre avec un lance-pierre, tu tues un oiseau avec. Si tu vises bien. Le mouhim, tu tues pour une utilité. C'est pas juste, ouais, il y a des pigeons, comme ça je vais m'amuser à tuer des pigeons. Ah, voilà. Ça, les fans. Attends, ça, je vais le lire. رابعا أن الحجر لا تقع به زكاة الصيد ولا يجوز أكل ما قتله الحجر. Et que la pierre, si jamais tu tues un animal avec, ce n'est pas, tu ne l'as pas sacrifié l'animal. C'est pas comme un égorgement. C'est-à-dire, tu tues un animal avec une pierre, ça ne le rend pas halal pour que tu puisses le manger derrière. Alors, maintenant, la chasse, elle a des règles. Tu peux chasser avec un fusil, avec un arc, ce genre de choses. Et tu nommes avant de lancer ta balle ou ton projectile pour tuer l'animal qui vole. Ça, c'est encore notre masala. D'accord ? Quelqu'un qui jette une pierre comme ça et tout, et après il tue l'animal, et après il le mange, là. L'animal, c'est le meita après ce moment-là. Après, les chasses, la règle de la chasse, Saïd, c'est un autre bébé avec un chien, avec des armes, ça, c'est un autre sujet. Khalas, hada alladhi akhadna al-yawm min hada ad-dars, naktafi bi hada al-qadr. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك et à partir de la semaine prochaine c'est 19h30 le ders inchallah barakallahu fikoum.